Du beurre. Il est jeune. Un œuf. Un peu. Des œufs. Deux œufs. C'est délicieux. Il faut un peu de beurre et des œufs.